C'est la la la la la la la ya. Allume ton père car c'est le calme avant la tempête. Difficile de parler de paix, on est en temps de guerre. On a compris le manège, ils nous la font à l'envers. Majeur en l'air, majeur en l'air. C'est la jungle, fuck fuck les règles. Tous postés sur le bitume, sur vêtements la coste est. On veut passer de l'ombre à la lumière pour briller. Y'a que des carnages gris, yeah. Les pieds et les poils liés, yeah. C'est difficile d'être pickpocket depuis les jeans slim. Choisis ton camp, soit t'es coupable, fashion victime. C'est la même que tu sois négro, arbi ou gaouri. Sarbi, bah oui, on s'en bat les claoui. 2009 c'est la crise, ramène-toi sur la piste. Mets-toi bien, y'a 2-3 bouteilles au carré VIP. J'suis dans les bacs avec le kéfier d'Arafat. C'est la la la la la la la. Se reconnaît.